La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. Cette nouvelle polémique autour de Theo Franken, le secrétaire d'État fédéral à l'asile et à la migration, il a partagé sur sa page Facebook une vidéo interpellante. On y voit un personnage qui a les traits de Theo Franken coller une ventouse sur la tête d'un homme de couleur. Ce dernier est alors violemment élitreillé. Sur Facebook, le secrétaire d'État NV a commenté la vidéo en parlant d'un petit film marrant. Mais pour l'opposition, c'est surtout une vidéo à caractère raciste, écolo. CDH et PS ont rapidement réagi en condamnant ce post Facebook. Il réclame une sanction de la part du Premier ministre Charles Michel. Écoutez le député fédéral PS Ahmed Laouège. Mais c'est tout à fait déplorable. On est dans une banalisation du racisme au plus haut niveau de l'État. Et ce n'est pas la première fois. Monsieur Franken avait déjà, rappelez-vous, considéré que les Marocains, les Congolais, les Algériens n'avaient pas de valeur ajoutée. Donc c'est un récidiviste. Mais à partir du moment où un secrétaire d'État en charge de l'asile et migration se permet de relayer des animations à caractère raciste, se pose la question de savoir quel message le gouvernement belge adresse à la population, mais aussi au reste du monde. On a, de ce point de vue, un double manquement dans le chef du Premier ministre s'il ne réagit pas. Tout d'abord, il laisse la parole raciste se banaliser, et en plus, il donne de la Belgique une image où il y a de la xénophobie qui s'institutionnalise. Et ça, pour un Premier ministre, c'est particulièrement grave. Donc s'il ne réagit pas, c'est totalement incompréhensible. Ahmed Laouège interrogé par Pierre Magos. L'autoroute A54 entre Charleroi et Nivelles restera fermée jusqu'à 20h, fermée à cause d'un accident entre deux poids lourds. Ça s'est passé vers 6h15 pourtant ce matin à hauteur de Buzet. Heureusement, un seul blessé léger à déplorer, mais le nettoyage de la chaussée prend du temps, il va falloir réasphalter l'autoroute. Plusieurs centaines d'automobilistes ont été coincés une bonne partie de la matinée. La protection civile a même dû apporter des berlingots d'eau. Tous les automobilistes bloqués ont été évacués un peu avant midi. L'armée syrienne progresse dans la ville d'Alep. La moitié d'Alep est toujours aux mains des rebelles, la moitié est. La télévision officielle, elle annonce que des soldats ont pris le contrôle d'un secteur proche de la vieille citadelle. En plus de cela, des avions syriens, russes et l'artillerie syrienne ont bombardé un certain nombre de secteurs de la ville et de ses environs. Des unités terrestres se sont regroupées pour venir en renfort. Les forces gouvernementales et leurs alliés ont lancé dans la matinée un assaut terrestre sur 4 fronts différents. Le Malien Hamad Al-Mahdi vient d'être jugé coupable par les juges du tribunal pénal international. Ce combattant djihadiste était poursuivi pour la destruction des mausolées de Tombouctou, mausolée qui faisait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils avaient été la cible des islamistes en 2012. Après un procès inédit, la Cour a donc rendu son verdict aujourd'hui. Elle souligne la valeur culturelle inestimable de ces mausolées. Écoutez les motivations de ce jugement. Elles viennent d'être énoncées par le juge Raoul Pangalayan. The chamber considers that the fact that the targeted buildings. Le fait que les bâtiments ciblés n'étaient pas uniquement des bâtiments religieux, mais avaient aussi une valeur émotionnelle pour les habitants de Tombouctou, aggrave le crime commis. Is relevant in assessing the gravity of the crime committed. Furthermore, all the sites. De plus, tous les sites, sauf un, étaient des sites qui appartenaient au patrimoine mondial de l'UNESCO. En tant que telle, leur destruction revêt une gravité particulière, car elle n'affecte pas seulement les victimes directes de ces crimes, qui sont les habitants de Tombouctou, mais aussi la population du Mali et la communauté internationale. And the international community. Ahmad Al-Mahdi devra purger 9 ans derrière les barreaux. La Cour dit avoir tenu compte des circonstances atténuantes, dont sa coopération durant l'enquête. Un mot de football, le club de Bruges affronte Copenhague ce soir en Ligue des Champions. Deuxième rencontre pour le Brugeois qui s'était lourdement incliné contre Leicester il y a 15 jours, 0-3. Dans les autres rencontres de la soirée, on épinglera notamment l'affiche entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Et puis une reconversion plutôt surprenante dans le monde de la natation. Le nageur français Florent Manaudou passe de la piscine au terrain de handball. Il met sa carrière de nageur entre parenthèses pour éviter, dit-il, de continuer sans plaisir pour de mauvaises raisons. Voilà qui referme ce journal. Belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Walid. Effectivement, bon 27 septembre à tous. Profitez de cette journée pour être presque sérieux. Retour de l'information tout à l'heure avec Pierre-Yves Meugens à 16h30. D'ici là, soyez les bienvenus. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. 54% des Américains se demandent pour qui va voter Monica Lewinsky. Oui, c'est pas la patate, c'est ici. Les amygdales. Tu n'appelles pas ça la patate. Quand tu t'es fait opérer les patates. On ne dit pas ça. J'écris tous les jours un peu. Mais ça se voit. Votre éditeur dit d'ailleurs de vous que vous êtes un artiste multiforme. Non, c'est moi qui lui ai dit de merde. Tiens, Jean-Luc Fonck, oui. Vous vous sentez plus proche de Stéphane de Groot ou des gouffres au sucre? Je dirais que c'est un mélange de Stéphane de Groot et des gouffres au sucre. Ouais. En passant, permis Mimati. Vous allez suivre le débat Trump-Clinton? Oh, oui, j'ai déjà regardé hier la moitié. Ces personnes qui peuvent n'être affiliées à aucun parti, mais qui ont quand même déposé leur candidature pour occuper le bureau ovale. Prenez par exemple Robert Frank Aldridge, et s'il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle, c'est qu'il a hélas remis avec 2 jours de retard son dossier de candidature à l'élection du maire de Tennessee, et donc, faute de mieux, il se présente à l'élection présidentielle. C'est pas bête, hein. Le pape François était arrêté hier soir dans un grand hôtel parisien et il a reconnu devant les enquêteurs avoir été en contact avec Jean-Marc Morandini. Il fait appel et reste libre pour l'instant. Qui c'est qui a appelé son groupe Stella? Parce que Chimay Bleu, c'était trop long. C'est Jean-Luc Fonck. Quand tu dois écrire un livre, il y a un nombre de signes à faire. Et ça ne tombe pas toujours bien. Alors tu dis « pourtant ». Et puis alors, non, pourtant, tu dis, oh, et pourtant. Imagine un bègue, il n'a pas fini de parler. Enfin, quand t'es bègue, c'est pas pour ça que tu tapes toujours les lettres à la machine. Tu t'as rendu tes signes. Un bègue des doigts, ça n'existe pas. Amélie Nothomb a fait sa carrière là-dessus. Est-ce que vous êtes allé hors pérage? Non. Au dehors. Oui, je suis allé, je devais avoir 6 ans. Il y a des souvenirs. Il y a des tas de souvenirs. Restez presque sérieux. Avec nous, Jean-Luc Fonck. Alors, voilà. Il y a des émissions comme ça qui sont incontrôlables. Et il fait partie de ces gens qu'on adore. Parce qu'ils sont... Quand il avait 6 ans. Un bouquin 50 ans. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Et la presse titrait ce matin que 92% de la population mondiale respire un air ambiant trop pollué. Alors question, où sont les 8% qui respirent de l'air pur? Où sont-ils? Pas ici. Où sont-ils? Une fois, c'est sûr, c'est démontré, un bol d'air te donne diesel. On dirait cette pub. Donne diesel. Tiens, aujourd'hui, quand il s'agit de souffler dans les bronches, ils ont toujours plein d'inspiration durant une heure et demie. Bien, vous allez pouvoir retenir votre souffle presque sérieusement sur la première. Voici vos purificateurs de l'info. Et c'est dur. Wow, oui, c'est l'effet Jean-Luc Fonck. Hey, c'est dingue, c'est phénoménal. Tiens, il émet toujours des choses particulièrement fines. Michael Albas est avec nous. Bonjour Walid, bonjour à tous. Un jour, il a dû se résoudre à quitter Charleroi, sa silicose vallée. Paul Mosseret, bonjour. Salut Walid. En empreinte carbone, il doit bien faire du 56, tiens. Mais de qui se moque-t-on? Eh ben de Corentin Candy. Bonjour Walid, bonjour tout le monde. Bonjour Corentin Candy. Il republierait bien l'article sous ce titre « Respirais-tu ?» Mais connaissant une partie de ses lecteurs, il risquerait d'être inquiété pour homicide involontaire. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Coucou tout le monde. Avec lui, on nuage en plein délire. Oui, il vous rappellera d'ailleurs que les habitants de pollueurs ne se nomment pas les pollueurs, c'est Raoul Reyers. Ah bonjour Walid, j'ai pas de problème de rôle. Bonjour Raoul. Tout va bien. Et puis elle, on l'emphysème un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, oui, de rubriques, de jeux, de pubs, c'est elle qui doit tout ventiler dans cette émission, elle l'a préparé pour vous. Ajar Boulet, chez lui, il est là également pour nous garantir des émissions propres à la réalisation. Grégory Carrette, vous l'avez compris, l'actualité ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rayons. Merci donc à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux sur la première. C'est presque sérieux. C'est la première. Une émission de 27 septembre, je ne vous dis que ça. C'est déjà bien. Imaginez, vous arrivez dans un petit resto 3 étoiles. Eh ben, c'est exactement comme dans cette émission. C'est-à-dire que vous allez payer cher. Vous comprenez vous-même ce que vous dites ? Oui, oui, c'est-à-dire que vous arrivez, vous en avez déjà l'eau à la bouche. Ah. Je salive. Cette heure et demie me donne envie. D'accord. C'est moi qui vous le dis. Tiens, durant une heure et demie, on parlera d'une rupture, la rupture de l'année. On parlera de Nicolas Sarkozy qui est partout, de naturisme et de migrants. En parlant de Nicolas Sarkozy, j'ai décidé de faire un don aux Républicains. Ah, vous avouez ? Oui, ben, on va les appeler tout à l'heure après 17h. Vous n'avez pas peur ? Vous avez... Le dernier qui a fait un don à Nicolas Sarkozy, bien fini. Bah, mais écoutez, j'ai appelé pour faire un don, on va voir, on verra tout vous à l'heure. Vous avez donc retourné votre veste. Je crois que la France va envahir la RTBF la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Allez, j'avais envie de faire plaisir. Nicolas Sarkozy qui sort des phrases quand même que même Marine Le Pen n'ose même pas sortir. Je veux dire que les valeurs de la France sont Front National. Elle les pense, mais elle n'ose pas les sortir. Imaginez, d'où la raison de faire un don à Nicolas Sarkozy. En attendant, je vous invite à jouer également avec nous avec l'actualité du jour. Nous jouerons ensemble au qui a dit le qui a dit du jour. Le voici, la phrase que la presse entière a publiée aujourd'hui. Eh bien, je vous la propose. Qui aurait pu dire « je publie la lettre » ? Alors, des propositions que vous ferez dans un instant à nos auditeurs. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez un peu partout en ce 27 septembre, eh bien à vous inscrire en voyant simplement ces trois lettres. CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre un exemplaire de l'album. Et quel album ? C'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment le cadeau parmi les cadeaux. C'est Belgium, etc. 1830-2030. C'est un échantillon unique des temps forts de notre histoire collective, mais en bande dessinée, avec Gilles Dahl qui est à la manœuvre, ainsi et accompagné notamment de 22 caricaturistes belges célèbres, Kroll, Dubus, Johan de Mors, Cécile Bertrand, Nicolas Vado. Bref, il y a pas mal de beau monde dans cette bande dessinée que nous vous offrons. Un vrai régal pour les yeux et pour l'histoire, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas, vous vous inscrivez, on joue ensemble dans un instant, mais en attendant, jouons avec l'actualité du jour. Voici la une. Et en ce 27 septembre, bien, nous allons décider de faire travailler notre ordinateur. Un nom qui fait parler de lui dans la presse. Ce nom vous est révélé sans plus attendre. Écoutez. Alors, ce nom va arriver. L'ordinateur. C'est un vieux modèle. On se branche à cet ordinateur. Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Bruno René Huchet. Veuillez répéter. Bruno René Huchet. Alors, qui est Bruno René Huchet ? Ça ne ressemble pas au nom du ministre libyen. Non. Est-ce que c'est pas le seul type au monde qui s'appelle Bruno René ? Il s'appelait Bruno René. Est-ce que Bruno René, c'est son prénom ? Alors il est mort. Il est mort. Il y a très peu de temps. Il est mort ce week-end. Est-ce qu'il s'appelle Bruno René ou c'est Bruno René Huchet ? Non, il s'appelle Bruno René. Est-ce qu'il a... Elle est à la tête d'une eau pétillante, non. Par hasard. Laquelle ? Ben, Bru, B-R-U. Ah ouais, Bruno. Est-ce qu'on l'appelait BRH, comme BHL ? Non. Bruno René Huchet, il a fait quelque chose de particulier. C'était un mec cool ? C'était un mec très très cool. Ah, franchement, il a fait quelque chose de sympa qui a fait que je suis devenu la personne que je suis, entre autres. Et que beaucoup d'autres jeunes qui ont notre âge aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont grâce à lui. Il a inventé la radio ? Non, il n'a pas inventé la radio. Il fait partie des médias. Il a fait quelque chose... Il a inventé les Smarties. Non, il a fait quelque chose en rapport avec les médias. Est-ce qu'il présentait une émission ? Non, il ne présentait pas une émission. La corruption. Alors cet homme, en fait, est un homme d'affaires, mais qui est rentré dans les médias, mais à la corruption. À l'insu de son plein gré, comme on dit, par hasard. Parce qu'il était en voyage quelque part, dans un pays dans le monde, et il a rapporté quelque chose qui a fait que, depuis 1978, eh bien, nous avons été bercés par ça. Ah. Alors. C'est un truc qu'on voyait à la télévision. Ah oui, qu'on peut voir encore aujourd'hui sur Ouf TV par exemple. David Watley, oui, il a ramené David Watley. Non, pas David Watley, non. Alors. Des enfants ? Non, il a ramené quelque chose. Il n'a pas créé les enfants. Des choses pour enfants. Bon. Du dessin animé, mais lequel ? Il a ramené un personnage. Lequel ? Le premier à avoir ramené. Ah, il a ramené Goldorak. Goldorak, effectivement. C'est l'homme qui a importé Goldorak. On lui doit aussi les diffusions de Candy, Capitaine Flamme ou encore Albator. Donc Candy, il est là. Il les a découverts au début des années 70 lors d'un voyage d'affaires au Japon pour exporter des produits français. Et il est tombé sur un drôle de dessin animé qui va le fasciner. Grain Deezer, c'est ce que raconte cette histoire, l'histoire du prince d'Euphor, Actarus, qui se bat contre les forces de Vega à bord de son robot de combat. Et Bruno René Huchet, eh bien, a découvert Goldorak. Il nous a fait découvrir découvrir Goldorak. Merci. Toute une génération de petits gamins comme nous. Il a apporté ça en France. Premier épisode en 1978. C'était Antenne 2 qui commencera par diffuser Goldorak en 78 avant de proposer Albator, Lady Oscar, Capitaine Flamme, que nous, écoliers, avons dégusté à l'heure du goûter. Et vous savez, Walid, que j'ai découvert que, vous voyez, les Power Rangers, qu'on regardait aussi quand on était petit, un peu comme ça. Ouais. Oui. Et ben, donc, c'était à la base une série japonaise. Ils ont racheté les droits, ils ont retourné tous les trucs où ils sont pas en costume en mettant des Américains. Parce qu'à la base, mais tous les combats, c'est l'émission japonaise. Ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, on est à la 24e saison. Et encore aujourd'hui, ils achètent les trucs au Japon et ils retournent les trucs quand ils sont au lycée, etc. C'est toujours la même méthode, c'est toujours les mêmes costumes tout pourris, 24 ans plus tard, sauf que maintenant c'est Power Ranger Ninja Steel, après être passé par Dino Supercharge, Mega Force, Samouraï, et ça n'a pas bougé depuis 24 ans, c'est le même délire. Et avec Walid, on a décidé de les traduire en wallon. Ah oui, on a une autre idée avec Raoul et on ça va arriver bientôt. Maison de retraite, non, mais on sait. Ça va arriver bientôt, je vous promets. On diffusera ça exclusivement sur la page Facebook de l'émission. On va refaire les feux de l'amour en wallon. Ah, ça, c'est magnifique. Voilà, doublé. On vient terminer le 1000e épisode. Voilà, ça va être ça. Et comment on dit les feux de l'amour en wallon ? On dit les feux de l'amour. Voilà. Hein. On garde le titre original. Hein. Ouais. Alors, histoire que les gens aient quand même encore quelque chose à se mettre sous la dent. Deuxième nom qui fait parler de lui dans l'actualité, ordinateur, proposez-le nous. Qui est qui ? Attention. Une phrase va défiler sur cet écran. Jack Dorsey. Jack Dorsey. Alors. C'est sûr que c'est pas Dorsel. Non, oui. Jack Dorsey. Non, Raoul. Vous connaissez Jack Dorsey. Vous qui êtes musée d'Orsay. Des ouais. aficionados des réseaux sociaux. Jack c'est Dorsey. C'est pas un Français. Non. Ça a un rapport avec Twitter qui s'est à vendre. Ça a un rapport avec Twitter, effectivement. Qui est Jack Dorsey ? Le créateur de Twitter ? Le patron de Twitter, effectivement, le géant américain des médias et du divertissement. Disney a recruté un conseiller financier pour évaluer, donc vous le disiez, Michael Albas, une éventuelle offre de rachat du réseau social en difficulté, Twitter. S'il décide donc de faire une offre, Disney pourrait aider Twitter dans sa stratégie actuelle de développement des contenus vidéo en streaming. Et donc, Jack Dorsey est le patron fondateur de Twitter. Twitter qui a fêté ses 10 ans cette année, qui reste déficitaire. On est fait comme l'oiseau. L'oiseau Twitter. Vous avez remarqué ? Excellent. Ah, on remercie Greg. Quel sens de la propos. Ah, mais bien sûr. Donc voilà, affaire à suivre. Hein. En tout cas, si Disney rachète Twitter, c'est comme si Monsanto rachetait Bayer. C'est ça. Bien. C'est exactement la même chose. Allez, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec toute l'actualité et on vous invite à jouer avec nous au Qui a dit. Ce sera dans quelques instants. Je publie la lettre. C'est la phrase du jour. Elle est prononcée par quelqu'un. Nous vous ferons bien entendu des propositions et nous vous offrons un magnifique ouvrage, un échantillon unique des temps forts de notre histoire collective, l'histoire de la Belgique en bande dessinée. L'album s'appelle Belgium, etc. 1830-2030. Et c'est signé Gilles Dal, s'il vous plaît, avec à l'intérieur pas mal de dessins de caricaturistes belges célèbres. Vous voulez repartir avec ce magnifique cadeau ? Eh bien, il suffit de nous envoyer CPS au 60-31, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et nous, tout de suite, on s'intéresse à une rupture de l'année. Mais de qui s'agit-il ? Réponse tout de suite avec Corentin Candy. Non, c'est pas vrai ! Oh mon Dieu, c'est pas vrai ! Ils l'ont fait ! C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Non mais tu l'entends l'autre là ? Il fait que rigoler ! Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à conditions, plus d'infos sur skoda.be. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez ? Oui ? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais ? Quoi ? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, Ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'internet ultra rapide dans un trio Waouh ou Tatou. Pour la rentrée, Vous vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479 euros. Un laptop Acer. Plus d'infos sur vous.be ou au 0800 800 25. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, non, non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve, quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. La première. Mobile Info. 16h20, c'est le moment de retrouver Anne-Michel Rubruck. Bonjour, oh, Anne-Michel Rubruck. What's up on the street? Oh, yeah, I'm glad it's not like Jordan Lane. On parle la même langue, toi. J'ai tout compris, on dirait Pierre Collard-Bovy. Tu le fais très bien. Dites-nous un petit peu que se passe-t-il sur nos routes. Eh bien, la 54 Charleroi-Nivelles reste toujours fermée suite à l'accident qui s'est produit à tort de Buzet. Cela dit, on n'a plus de fil à cet endroit en direction de Nivelles. Et toujours deux itinéraires alternatifs possibles. Venant de Namur ou de Charleroi, continuez sur le 42 vers Mons à Boisden, prend de la 501 vers Familleureux, ensuite le 19 vers Bruxelles, ou si vous venez de Mons, quittez le 42 à hauteur de Chapelle-Lerlemont et prendre la direction de Bruxelles, ensuite via la Nationale 59. On a un accident sur le 429 tourné à la hauteur de Lessines, bande droite neutralisée en direction de Halle, des ralentissements du côté du ring de Bruxelles, comptez une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, une quinzaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure Grand Bégard, Zaventem pour les temps de parcours les plus longs. Et puis à Bruxelles, ça coince de manière habituelle à cette heure-ci dans les différents tunnels de la petite ceinture. Et puis on a un véhicule en panne dans le tunnel Belliard. La bande droite est neutralisée en direction de l'E40. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. On vous offre des cadeaux également sur la page Facebook de l'émission. Deux exemplaires à gagner de cet ouvrage, l'album Belgium, etc., que nous allons offrir à l'un ou l'une d'entre vous d'ici quelques minutes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. On vous invite également à retitrer une des informations qui nous a intéressé aujourd'hui, cette fameuse histoire de détournement de 500 000 euros au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Un titre que nous aurons l'occasion de retitrer dans un instant. En attendant de vous avoir au bout du fil, je vous rappelle que nous jouons ensemble dans une petite dizaine de minutes au Qui a dit, je publie la lettre. Eh bien, on s'intéresse à l'actualité vue et corrigée par notre professeur émérite Corentin Candy, spécialiste des relations hommes-femmes, qui revient pour nous sur l'événement de ces trois derniers mois. Oui, la rupture entre Brad et Angelina. Angelina Jolie se sépare de Brad Pitt officiellement à cause de ses addictions et pour des crises d'hystérie, n'est-ce pas, professeur? Eh oui, effectivement, chers auditeurs, Angelina Jolie qui reproche à quelqu'un ses addictions, c'est Raoul Riers qui reproche à une bête sauvage de manger trop de viande. C'est bien les femmes, ça. Elle part faire des courses, elle revient avec un enfant, elle part 3 jours à la mer, elle ramène un enfant, et puis elle ronfle. Et puis elle est plus tatouée qu'une façade de Saint-Gilles. Et encore, c'est souvent de moins bon goût. Qu'est-ce qu'il était censé faire à la fin? Boire du lait? Ses addictions, quoi, salope. On va pas lui reprocher de boire un petit verre de chardonnay, toujours après 18h. J'ai pas dit ça, et jamais seul. Moi, je peux vous dire que la plupart de mes amis, enfin mes amis mariés, recherchent dans l'alcool le réconfort que seule la drogue pourrait leur offrir. Einstein a dit que la folie, c'est de refaire tous les jours la même action et d'attendre un résultat différent. Je connais quelqu'un qui rentre tous les jours chez lui auprès de sa femme et qui tous les jours, sincèrement, espère passer une excellente soirée. Et moi, je le savais. Je le savais depuis des années que ça n'allait plus entre eux, ça se voyait. Alors, elle dit qu'il a un problème de gestion de la colère. C'est très délicatement exprimé. Moi, ce que je crois, c'est pas qu'il a un problème de gestion de la colère. Ce que je crois, c'est qu'elle est ultra chiante. Ça se voit. Elle bouffe que des graines, ça se voit. Elle croit en homéopathie. C'est écrit en grand sur sa tête, c'est les pires, ça. On est avec toi, Brad. Alors il peut se faire qui il veut, quand il veut, et on voudrait nous faire croire qu'il a fauté avec Marion Cotillard. Mais Marion Cotillard, mais moi, Corentin Candy, j'en voudrais pas. Il peut avoir qui il veut, il va se prendre une fille qui a l'air au moins aussi chiante que l'autre, mais en moins bien. Non, non. Alors, une certaine presse depuis une semaine, je veux parler de ces pseudo-journalistes qui sont plus des vendeurs de papier, qui consacrent plus de pages au débat Trump-Clinton qu'à cette histoire de Brad, qui se trompe de fait, c'est parce qu'il faisait sombre. Brad Pitt, maintenant, est tout seul, abandonné comme un chien, alors que nous tous, ici, nous sommes tous en couple. Nous, on a une femme, voire plusieurs, vous me connaissez, je suis un terrible. Nous, une femme nous aime d'amour, et lui, le Brad Pitt, il est tout célibataire. Franchement, on dit souvent, une de perdue, dix de retrouvée, mais quand on dit ça à quelqu'un, on sait que c'est faux. Et lui, il le sait aussi, il l'a déjà dit à plein de gens. Mais pour Brad Pitt, non. Pour Brad Pitt, ça va. Pour lui, c'est une de perdue, 3 milliards de gagnés. Il n'en perd pas une, il en gagne 3 milliards à la grosse louche. Il a le choix, quoi. Il a le choix entre tout le monde. Pendant que nous, on a le choix entre quoi, 4 ou 5. Le mariage. Quand t'es Brad Pitt, tu te maries pas. Le mariage, à quoi ça tient? Pourquoi on fait ça? Je peux vous parler de mon cas, si vous voulez. Ma femme m'a probablement épousé parce qu'elle avait envie de se sentir protégée par un homme, par un vrai, par quelqu'un de fort. Aujourd'hui, je crois qu'elle est déjà très très contente quand je parviens à lui ouvrir un pot de confiture. Alors, Angelina fout le camp. Hosanna, et pourquoi? Alors, la presse est remplie de rumeurs plus fondées que non sérieuses. Merci la presse. Je ne sais toujours pas ce qui se passe exactement en Syrie, mais je sais tout ce que Brad aurait ou n'aurait pas fait. Mais la vérité, je l'ai lu dans le journal The Sun. En réalité, Angelina serait partie pour quelqu'un d'autre. Elle aurait fait la rencontre d'un collectionneur de vieilles voitures, un certain R.R. Une personnalité très influente dans le monde des médias, un ticoun, quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, qui défait une carrière en un mot, un mec qui pèse plusieurs dizaines d'euros. Alors Brad Pitt a réagi très sobrement. Il a dit « La vie ne me fait pas de cadeaux. Life offers me no gift at all. » This Raoul Weyers is a terrible piece of shit. What an awful cocksucker. Alors je traduis, what an awful cocksucker pour les enfants et les débiles. Quel terrible coccinelle. Mais c'est un petit peu fou. Non. Alors Brad Pitt, depuis 12 ans, chaque matin se lève, enfile un training pot de pêche et puis il observe son salon. Une pièce grouillant d'enfants de tous âges, affligé de tout le spectre des infirmités. Estropié, contrefait, aveugle, pustule et idiot. Brad Pitt, prématurément vieilli par de multiples paternités, reste accroupi à côté d'une marmite à moitié vide. Il observe Angelina, flétrie par les enfantements, s'acharnant désespérément avec une bêche sur une récolte insuffisante de petits pois biologiques. Je crois que j'avais une chute, mais attention, non, ce que je voulais dire surtout, c'est que je ne veux aucun malentendu entre nous et nos auditrices. Jamais je ne critiquerai les femmes, jamais nous ne critiquerons les femmes, jamais je ne critique pas. Je constate. De toute façon, pour tous les hommes qui n'ont pas la chance d'être homosexuels, finalement, une femme, on n'a encore rien trouvé de mieux. Merci Corentin Candy. Pour ce petit moment. People. Et conclusion, Jean-Luc Lahaye, hein, quand même. Ouais. Il a dit de Raoul Reyes qu'il était un ticoun, comme vous dites, un tycoon. Et je découvre qu'en français, c'est également une expression québécoise qui est une insulte envers un homme pour signifier qu'il n'est pas intelligent. Ah non. Ce nom provient d'un personnage de la série québécoise. Quoi, le temps d'une paix qui est handicapé mentalement. Ah bah tiens, on va rester. Fou, mes bagnoles. On va rester avec Raoul Reyer. Ça passe cette chronique. Raoul Reyer, c'est à vous. Hey Raoul, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que vous avez? En 27 secondes. Allez-y, faites-vous plaisir. Désolé, pardon, mon petit coup. Si je vous parlais de la Phonétria nigriventer, vous connaissez? Non. C'est une araignée. On appelle l'araignée banane aussi. Mm-hmm. Elle mesure à peu près 12 millimètres et elle possède un puissant venin qui est divisé en deux parties. La première, c'est le PHTX3, qui est un neurotoxique et qui peut vous asphyxier en quelques secondes. Mais la deuxième, elle pourrait être plus intéressante puisque elle peut provoquer une érection pendant plus de 4 heures. Oui, mais Raoul, alors quand j'ai crié au mess tout à l'heure, quand j'ai crié, oh tiens, ce ne serait pas une Phonétria machin là, surtout près des bananes. Ouais. Tous les hommes se sont levés pour aller la prendre en main. Ouais, comme par hasard. Mais vous imaginez le truc. Mais si le neurotoxique vous tue avant. Non, parce qu'il faut commencer par la deuxième. C'est comme au restaurant. Tu es plat, entrée, dessert. Commencez par le dessert d'abord et puis vous laissez asphyxier. Ça n'a pas que des qualités, il paraît que ça fait très mal. Quand ça pique, effectivement. D'autres infos dans un instant. Non, quand ça dure. Voilà, merci Raoul Reyers. Toute l'info, si vous la voulez, eh bien, vous pouvez frapper à la porte de Raoul. Dès qu'il y a le mot sexe quelque part, vous savez que Raoul est quelque part. J'ai parlé de sexe, pas du tout. Il y avait Viagra et non, machin. Pas du tout, j'ai pas parlé de Viagra, j'ai parlé de poison. Ah ouais, mais après, il y avait quoi? 12 millimètres. 12 millimètres et érection.

Dans le domaine des loisirs. Pension et retraite. Dans le domaine de vacances. Oui, mais je disais, dans quel domaine étiez-vous avant d'être retraité? Dans une banque. Dans une banque, d'accord. Agnès. Je suis partie à temps. Ah, vous êtes partie effectivement à temps. Ma chère Agnès, vous profitez de cette fin d'après-midi pour jouer avec nous. Qui a dit et une phrase qui vous permettra peut-être de repartir avec cet ouvrage, un album de bande dessinée. Vraiment, vraiment très, très bien fait. Je vous encourage à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. C'est notre ami Gilles Dalle qui le signe aux côtés de 22 caricaturistes belges célèbres. Un échantillon unique de notre histoire collective. Tout ça en bande dessinée. C'est ce que nous allons vous offrir dans un instant. Le temps pour nous bien de revenir sur cette phrase. Qui aura pu prononcer cette fameuse phrase que voici, ma chère Agnès. Je publie la lettre. Voici les propositions. Raoul Reyers. Je publie la lettre. C'est ce qu'a dit un jour Patrick Buisson quand il s'est engueulé avec Sarkozy, pour qui il travaillait dans l'ombre, je vais dire. Et il a... C'est ce fameux médecin, là, il est décédé, je vais dire. Oui. Il disait tout le temps. Non, je crois qu'il n'est pas décédé. Non, il n'est pas décédé. Qui est décédé. Oui. Je vais dire. Il l'a soigné pour un rhume. Dire. Et donc, le gars a non seulement publié la lettre, mais un livre qui parle de Nicolas Sarkozy et qui sort ce jeudi. Ah oui. Patrick Buisson pour Raoul Reyers. On va demander à Paul Mosseret qui aurait pu dire... Je publie la lettre. Alors, il s'agit de l'inévitable Donald Trump, hein, qui aurait déclaré avoir en sa possession une lettre rédigée de la main d'Hillary Clinton dans laquelle elle aurait déclaré ne posséder qu'un QI bien inférieur à la moyenne et qu'elle aimait particulièrement manger ses crottes de nez. Ce à quoi Hillary aurait répondu, c'est celui qui dit qui est. Décidément, les débats de la Maison Blanche, ça vole haut. Ah, Donald Trump qui n'a pas arrêté de renifler hier. Il a passé son temps. Il a dit qu'il avait une lettre signée par George Washington aussi. Si, ouais. Je publie la lettre. On va demander à Corentin Candy. Mais non, c'était Jacqueline Galland qui publie la lettre de riverains excédés par les chasseurs de Pokémon Go. Ah oui, carrément. Vous, décidément, vous vous acharnez. Oui, oui, là, c'est... On va demander à Vincent Flibustier qui aurait pu dire pour Agnès « Je publie la lettre ». Eh bien, c'est Dominique A. Vous voyez le chanteur. Très, très bien. Il a sorti son bibliographie qui s'appelle donc « A », d'où « Je publie la lettre ». Ah simplement. Ok, d'accord. Ah bon. Pas mal, c'est pas mal. Enfin, Michael Albas, je publie la lettre. Eh bien, c'est une affaire sérieuse, hein. C'est Virginie Efira qui a été très marquée par sa récente rencontre avec Corentin Candy. Ce dernier a d'ailleurs profité de l'occasion pour glisser une lettre enflammée dans sa loge et récupérer le numéro de portable de la belle. Se sentant harcelée, l'actrice menace aujourd'hui de publier la fameuse lettre de 382 pages, hein, longueur moyenne d'une chronique de Corentin Candy. Et alors, encore au début, il en avait 500. Alors on va demander à Agnès cette fameuse phrase « Je publie la lettre ». Nous avons Patrick Buisson, Donald Trump, Jacqueline Galland, Dominique A ou Virginie Efira. À votre avis, Agnès ? Je dirais Patrick Buisson. Vous diriez Patrick Buisson. C'est jamais une bonne idée, ça. Les gens me font souvent confiance. Hein. Alors, ouais, c'est vrai que... Ils sont naïfs. Hein. Oui, mais vous faites confiance à Raoul Reyers, mais j'aurais tendance à vous dire... Parce que c'est la fête aujourd'hui, hein, rappelons-le, la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vivez à Bruxelles, capitale de notre beau royaume, capitale qui m'est chère. Qui est cher d'ailleurs à pas mal de nos concitoyens. La raison pour laquelle, on dirait un vrai homme politique. Là, c'est... Nous-mêmes, si je ne faisais pas ce métier, je ferais de la politique. Rudy Demotte, accroche-toi. On va vous inviter, ma chère Agnès, à changer de réponse. Voilà. Ah. Sauf si vous avez envie de perdre. Sauf si vous voulez repartir avec des dessins, mais de nous. Voilà. de l'histoire de la Belgique. Des Monsieur Patates. Vous ne serez pas déçus, hein, mais voilà, le résultat ne sera pas le même. Rappelez-moi le nom de... Alors, il reste Donald Trump, Jacqueline Galland, Dominique A ou Virginie Efira. Et Jacqueline Galland aussi. Ouais. Ou la bourgmestre de Jurbis. Alors, à votre avis. Alors, disons Jacqueline Galland. Oh, vous dites Jacqueline Galland. Super. Alors, vous dites Jacqueline Galland. Et là. Effectivement. Alors, Corentin Candy a rajouté Pokémon, ça vous a peut-être... échappé. Non, vous vous êtes dit, tiens, Jacqueline Galland, Pokémon, non, que nenni, c'est pas possible. C'est encore issu de l'esprit fertile de Corentin Candy. Et pourtant, si Jacqueline Galland a interdit la chasse nocturne de Pokémon à Jurbise, effectivement, la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galland, a décidé d'imposer un couvre-feu de 22h à 6h du 24 septembre au 24 décembre sur la place d'Herbeau. Pour la bourgmestre, les chasseurs de Pokémon mettaient la sécurité des citoyens en danger et provoquaient des troubles à l'ordre public pendant la nuit. Et donc, elle a publié la lettre des citoyens, la fameuse lettre de citoyens un peu furieux, exaspérés par le comportement de ces chasseurs de Pokémon. C'est surtout plus trop quoi inventer pour aller dans la presse. Hein. Voilà. Bah, elle a bien calculé son coût pour une fois. Ouais. C'est quand même assez léger. Je crois qu'il y a 3-4 personnes qui habitent autour de la place de Jurbise qui sont un peu pleins. Du coup, mais ça fait déjà, d'état, hein. Déjà, qui irait cacher des Pokémon à Jurbise? Ouais, les Pokémon ne savent même pas que ça existe. Déjà, hein, pour commencer. Que déjà, nous, on a du mal. Et vous savez que si à un moment donné, elle interdit ça, c'est-à-dire que s'il y a vraiment des Pokémon à Jurbise, ils vont être très rares. Ouais, c'est-à-dire que vous allez vous voir qu'entre 22h et 6h du matin, il n'y aura personne. Mais avant, puisqu'il n'y a pas d'interdiction, tout le monde sera là-bas. Et les gens vont venir de partout. Mais bien sûr. Jurbise sera Mais les gens qui habitent là, en fait, pourront les avoir pour eux tout seuls. Ceux qui ont fait la pétition, parce qu'il n'y a plus personne qui peut venir sauf eux. C'est pas faux. Et imaginez des Japonais qui viendraient du Japon rien que pour aller à Jurbise. Elle voulait les attraper elle-même, c'est ça le... Japon, Jurbise, en avion, rien que pour chasser les Pokémon. C'est donc gagné, ma chère Agnès. Vous repartez avec un Pokémon. Bon, Gildal. Et surtout. Et surtout, un exemplaire de l'album Belgium, etc. 1830-2030. C'est l'histoire de la Belgique vue par Gilles Dahl, notre ami humoriste, écrivain et surtout historien. Et 22 caricaturistes qui l'accompagnent dans cette aventure et ce bel ouvrage. 22 caricaturistes belges célèbres. Vous allez pouvoir rentrer dans cette histoire de notre patrie en collaboration avec tout ce beau monde. On vous souhaite une belle fin d'après-midi à l'écoute de la première, ma chère Agnès. Et je vous remercie beaucoup, ça me réjouit. Mais voilà, vous l'aurez très rapidement. Restez-nous fidèles, restez presque sérieuses et restez attentifs, car je l'ai promis. Nous allons appeler les Républicains, le parti politique de Nicolas Sarkozy, pour lui proposer un don et lui faire un don. On lui fera ça tout à l'heure après les infos de 17h. Mais avant cela, intéressons-nous justement à Nicolas Sarkozy avec Michael Albas. La façon dont Mme Pécresse a organisé l'autonomie de l'université, c'est remarquable. Un travail absolument remarquable. Elle était remarquable. Elle fait un travail remarquable. Un travail absolument remarquable. Un travail tout à fait remarquable. C'est la même interview. Laissez-moi vous dire, c'est remarquable. En France, effectivement, on se demande parfois où est Charlie, mais pas où est Nico. Oui, depuis quelques semaines, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République semble même revenir en grâce aux yeux des Français. Eh oui, love story ou love overdose? Vaste question, c'est bien simple, depuis quelques jours on ne peut plus ouvrir un journal ou allumer la télé sans le voir ou l'entendre. Plus moyen d'éviter Sarko qui, au lieu de voquer à ses occupations au sein du parti qu'il a créé, préfère nous gratifier de ses nouvelles aventures. Sarko en campagne, et bientôt Sarko à la plage dans tous les magazines People. Bref, en ce moment, Sarko c'est un peu comme Martine, sauf que c'est sa femme qui sort des albums. Dernièrement, on a eu droit au nettement moins drôle Sarko climato-sceptique et nos ancêtres les Gaulois. Et puis finalement, nos ancêtres les Harkis. Harkis la faute. Oui. Et puis au traditionnel, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Enfin si, mais pas publiquement. Et puis j'ai changé. Mais vous ne comprenez jamais rien parce que vous, les journalistes, vous êtes tous des bobos gauchistes d'Ixelles. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans l'esprit. Oui. Autant dire que pour l'instant, il faut plus d'une minute pour comprendre ces valeurs actuelles. Et oui, parce que comme souvent en politique, plus une élection approche, plus on change d'avis à propos de tout. Et vous savez que la primaire des Républicains arrive. Juppé, Fillon, Sarkozy, c'est un peu trois hommes et un coupe-faim. Oui, car les dernières interventions des protagonistes ne donnent pas envie de tout gober. Alors que Fillon espère ne pas l'avoir dans le synonyme, le favori Alain Juppé, un peu inquiet de voir Sarkozy revenir dans les sondages, a sorti un as de sa manche en annonçant une alliance avec le parti de François Bayrou. Enfin, avec François Bayrou, parce qu'on appelle plus ça un parti quand tout le monde s'est barré. Obtenir le soutien de Bayrou, c'est un peu comme si DSK sortait du bois, ça c'est une expression, pour encourager Hollande. C'est embarrassant et pourtant ses casseroles se comptent partout. Si je vous parle un peu des autres, c'est parce que si on n'est pas informé, on oublie que Sarkozy a des concurrents. Il est partout, je vous dis, même dans les émissions culturelles avec un grand cul comme Touche pas à mon poste, qui pourrait être son prochain slogan de campagne, et dans laquelle il a souhaité un bon anniversaire à Cyril Hanouna, patron d'une émission qui, après avoir dû laisser partir Nabila, vient d'engager l'âme. Comme quoi, même à couteau tiré, la production a de la suite dans les idées. Changement de stratégie donc, fini de champigner les petites vieilles dans le sens du poil incarné, il tente désormais de ratisser les jeunes qui ont une forte tendance à voter FN. N'empêche, à force de chasser les électeurs de Marine chez Hanouna, tout risque de tomber à l'eau. Non mais à l'eau, quoi. Ouais. On se rappelle que déjà en 2012, il avait cette tendance à en faire des montagnes. Montagnes qui accouchent d'une souris. Ou plutôt d'un éléphant du PS qui, même si c'est vache, n'a pas fait un effet bœuf. Sauf peut-être Ariana, sa nouvelle amie avec qui il tweete. Les grands de ce monde se parlent, c'est une bonne nouvelle. Il a raison d'en profiter, hein, foutu pour foutu, autant se marrer. Comme on dit à gauche, on n'est plus à El Khomri près. On se moque, mais Hollande vient quand même de recevoir le prix du chef d'État de l'année. Non, là, il n'y avait pas de blague. Il succède d'ailleurs à David Cameron, qui un an plus tard est le chômeur le mieux habillé d'Angleterre. Mmh. Ça promet. Par contre, vous avez remarqué, grâce à tout ça, on parle de moins en moins de l'épisode Sarko face aux tribunaux. Et oui, débarrassé de BHL, il espère que cette fois, l'alibi servira à quelque chose. Mmh. Décidément, pour 2017, il ne peut compter que sur lui-même parce que le charme est rompu. Et oui, depuis le temps que Carla Bruni, pas étonnant qu'elle soit carbonisée. La seule chose qui pourrait lui laisser une chance, c'est bien son omniprésence médiatique conjuguée à l'incompétence de ses rivaux. Heureusement, il lui reste des amis pour l'aider dans sa promo, comme Barbe Livien, qui déclare que si les Français connaissaient mieux Sarko, il serait élu avec 90% des voix. Ce qui me fait penser que, vu les scores de Vladimir Poutine, les Russes doivent probablement très bien le connaître. Enfin, vu l'intelligence de ses propos et ses scores théoriques, c'est quand même à se demander si, à force de lui prêter deux neurones, ses électeurs n'ont pas oublié de les récupérer. Ah, Nicolas Sarkozy dans la bouche et dans le texte de... Bon là, pas de commentaires, hein, la vie privée on n'en parle pas. Si, il arrive que ça puisse déraper. Ben non, mais c'est pas ça, c'est effectivement les mots sortent de la bouche. Donc, c'est vrai. Ouais, Nicolas Sarkozy dans la bouche de Michael Elbaz, c'est ça, on à redécouvrir sur rtbf.be/ovio. Justement, ce parti, le parti Nicolas Sarkozy, les Républicains, que nous aurons le plaisir d'appeler tout à l'heure pour leur proposer un don, bien entendu. En attendant, nous, on poursuit cette aventure presque sérieuse avec toujours au centre de l'actualité, de l'info, de la joie de vivre, du plaisir et des cadeaux. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de l'émission pour tenter de repartir avec des exemplaires de l'album Belgium, etc. de l'ami Gilda, l'histoire de la Belgique en bande dessinée, revue et corrigée. On aura droit à une presque star, ce sera après 17h. On reviendra sur les faits marquants de cette actualité, dont notamment un titre que je vous invite à retitrer sur la page Facebook, cette fameuse histoire de détournement de 500 000 euros au centre de cinéma et de l'audiovisuel. C'est à suivre dans l'émission et à suivre également les histoires de Vincent Flibustier et l'histoire de Laurent Dehaussay en 27 septembre. Que s'est-il passé? Réponse tout de suite. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente au 140 Caoral. Une création mondiale pour ouvrir la saison. Entre Ouagadougou et Bruxelles, entre jazz et danse. Laurent Blondiot et ses musiciens, Salia Sanou et ses danseurs. Caoral, c'est au 140, les 30 septembre et 1er octobre, avec le soir. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse. La transparence. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Écoutez ça! Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, il y a des produits 100% remboursés, des offres jusqu'à moins 50% et une super action épargne avec 25 produits gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 25 produits gratuits, c'est exceptionnel! Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. En télé, sur la une... Je voulais absolument partir, j'en pouvais plus d'ici. Laura a passé 9 mois en Syrie, au cœur de l'État islamique, avec son petit garçon de 4 ans. Au cœur de Daesh, avec mon fils. Et On va perdre notre ADN, deux documents en exclusivité pour la rentrée de Devoir d'enquête, ce mercredi, sur la Une. La première. Mobile Info. Et à 16h, presque 47 minutes, que se passe-t-il sur nos routes en ce 27 septembre? Réponse avec Anne-Michel Vlouberg. Et on a toujours les suites de l'accident sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur d'Irstal. La bande gauche est neutralisée en direction de Liège. La 54 Charleroi-Nivelles reste fermée suite à l'accident qui s'est produit à hauteur de Buzet. Plus de fil à cet endroit en direction de Nivelles. Et toujours deux déviations et ou itinéraires alternatifs possibles à cet endroit si vous venez de Namur ou encore de Mons. Véhicule en panne à Bruxelles dans le tunnel Béliard. La bande droite est neutralisée en direction de le 40. Des ralentissements toujours à Bruxelles du tunnel Louise au tunnel Léopold II vers Kuckelberg, du tunnel Riers-Montgomery au tunnel Georges-Henri en direction du Bois de la Cambre et dans le sens inverse vers Mézières et du tunnel Roger au tunnel Arlon en direction du Midi. Et puis du côté du Ring, vous pouvez rajouter une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard. 20 minutes supplémentaires également en circulation intérieure Grand Bigard Zaventem pour les temps de parcours les plus long. Et puis c'est l'heure de pointe aussi pour quitter Bruxelles sur le 40 Bruxelles-Liège hauteur de Berthem, défile, ainsi que sur le 314 Louvain-Lumen, défile depuis Berthem dans lesquels vous perdez une quinzaine de minutes. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. c'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème. L'histoire qui s'invite sur la première, vous le savez, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, vous avez rendez-vous avec Laurent Dosset, l'excellente émission d'histoire de la première que vous pouvez bien entendu réécouter sur le site de la première, lapremière.be ou sur le rtbf.be/ovio. Laurent Dosset qui vous invitera demain à parler, et il en parlera d'ailleurs très bien, de Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, auteur de la déclaration d'indépendance. Ça, c'est demain entre 13h30 et 14h30 sur la première. Mais aujourd'hui, 27 septembre, que s'est-il passé ? Question. Symbole de la résistance, je me suis tout de même rendu un 27 septembre. Qui suis-je ? Symbole de la résistance, c'est quelqu'un alors ? Qui s'est rendu un 27 septembre. Alors ? Okay. Alors, quelqu'un qui s'est rendu un 27 septembre. Est-ce qu'il s'est vraiment rendu, ah, ou oui, c'est un jeu de mots ? Ah non, il s'est rendu, hein. C'est pas un jeu de mots là. Fait là. Tuer, là, on ne rigole pas avec, avec l'histoire, monsieur. C'est De Gaulle ? C'est pas Jean le genre Moulin. De la maison. C'est rendu, De Gaulle. Non. Pétain. Pétain. Ouais. De grêle. Symbole c'est de la résistance. C'est pas la même résistance. C'est pas la même résistance. Non, ouais. Cherchez un petit peu plus vite. Ah, c'est pas de la résistance électrique ? Non, non, non. Ampoules, tout ça. Non, non, non. Non, non. Ça, c'est Claude François. Non, il faut aller chercher. On parle de la première guerre ? Non, non, non. Avant Vercingétorix, un truc comme ça. Mais oui, c'est ça, Alésia. Oui, c'est ça. Vercingétorix. D'accord. C'est un 27 septembre. Bon, on n'était pas sûr de la date. 27-28, c'est un jour près, plus ou moins. Il était 23h59. Tant qu'il arrive à cheval. 27 septembre. En 52 avant Jésus-Christ, effectivement, Vercingétorix se rend à César devant Alésia, jeune chef gaulois. Il se rend donc à Jules César. Apparemment, ils étaient bons potes, puisqu'ils ont partagé leur tente. Ils jouaient au poker ensemble. Ils ont partagé quand leur tente. Leur tente. Oui, leur tente, on s'entend bien. Leur tente indienne. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne l'a pas tué tout de suite. C'est une tradition des Romains. On l'a mangé d'abord. Non. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites quelqu'un prisonnier, vous le mettez au cachot. Voilà. Et non, Vercingétorix, il avait une petite villa, il était bien portant, on lui donnait à manger juste pour bien l'engraisser. Et alors, il défilait, quand César est arrivé, il défilait derrière lui. Il était attaché au cheval de César. Et hop, César, il lui fait « T'as vu ou quoi ? T'as attrapé, hein ?» Attrapé. Bon, c'est une histoire un peu revue. Non, mais vous racontez tellement bien qu'on a l'impression que vous y étiez. Mais écoutez, dans l'histoire. Mais bien sûr, mais alors, vous savez que, un 27 septembre, ce qui s'est passé d'autre, c'est qu'un certain monsieur Champollion, Jean-Bernard, son prénom, il a découvert les hiéroglyphes. Bruno René. Vous voulez encore une autre histoire ? Un 27 septembre, vous voulez savoir ce qui s'est passé un 27 septembre ? Quoi donc ? La naissance de qui ? Il y a Vercingétorix, ça on le savait, le 27 septembre, je vous l'ai dit, il y a Champollion. Le 27 septembre. Et la compagnie de Jésus, les amis. La compagnie de Jésus, je vous promets, c'était la compagnie de Jésus. C'était quoi, c'est eux qui chantaient ? C'était un groupe Jésus. Bon, les gars, c'est Jesus Corporation. C'est la corporation de Jésus. C'est Ignace de Loyola, c'est ça ? Non, c'est un peu un truc comme ça. Mais donc voilà, on en apprend des choses dans l'histoire. Effectivement, Jules César qui a contraint Vercingétorix de s'agenouiller, de rendre les armes. Voilà, l'histoire. Et d'autres histoires dans un instant avec Vincent Flibustier. Le temps pour nous, de vous proposer un petit moment musical. C'est signé Lost Frequencies. Voici Are You With Me ? Underneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies sur la première. Are you with me? Bonjour, messieurs Vincent. Vincent Flibustier a deux histoires pour vous emmener jusqu'à 17h, l'heure à laquelle on s'informera. Vincent, dites-nous tout. Nous sommes en 1995. Windows 95 vient de sortir et la version Pro Windows 95 Pro est disponible aussi pour les entreprises. Mark Tapter est ingénieur de Microsoft. Il vient de se faire virer pour alcoolisme après qu'on ait retrouvé des vidanges de whisky dans des serveurs et les avoir donc endommagés. Et il décide alors de se venger et cache un petit morceau de code dans Word 95. Vous voyez le traitement de texte. Si vous tapiez alcoolique, donc alcoolique en anglais, dans Word 95 Pro, puis sauvegardiez votre document, votre document s'effaçait automatiquement, ne laissant aucune trace. Ça a provoqué pas mal de problèmes, notamment chez Bayer, qui a perdu à l'époque un document d'un brevet de 183 pages pour un médicament contre l'alcoolisme. Bayer a déposé plainte contre Microsoft et Microsoft a dû retrouver l'ex-employé qui avait caché le bug et ils ont essayé d'être sympas parce que la presse en parlait. Mmh. Il y a eu deux choix, retaper les 183 pages ou payer 20 000 dollars de dommages et intérêts. Eh ben dis donc, ça c'est de l'histoire, on a envie d'y croire. Vous voulez savoir ce qu'il a fait? Oui. En fait, il a choisi la troisième voie, il a bu vraiment beaucoup, beaucoup d'alcool et il est parti au paradis des alcooliques. Et malheureusement, c'est pas la Pologne. Enfin, moi, si l'enfer existe, ça doit être la Pologne aussi. RIP, Mark Tapter, ah, petit ange. Il est mort, donc. Ouais. Ah, bah, voilà une histoire qui termine mal voilà. Pour Windows qui a dû débourser. Pas, donc, hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Bah, Bayer a perdu. Oui, surtout pour Windows. Elle termine mal, surtout pour Windows. Alors, le gars est mort. Il aurait quand même réussi quelque chose dans sa vie, ce monsieur. Alors, attention, seconde histoire, Vincent. Bah, autre histoire de technologie, puisque vous le savez peut-être, il y a depuis quelques jours un Apple Store à Green Bay dans le Wisconsin. Sauf que c'est pas un magasin qui vend des iPhones, iPads, machin, c'est un magasin qui vend des pommes. Apple Store. Du coup, en fait, depuis la sortie de l'iPhone 7, le magasin est surchargé d'appels toute la journée. Ils savent plus utiliser leur téléphone par des crétins qui appellent pour voir si le nouvel iPhone est disponible. Et le magasin répond « No, no, we're selling apples. I know, it's why I call the new iPhone. » Ouais, c'était pas mal. Hein. Et parce qu'en 2016, on connaît parfois plus Apple pour la marque que pour les fruits. Mais ce qui est formidable, du coup, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui appellent. Bon, ça, c'est un peu ennuyant pour la ligne. Mais il y a énormément de gens qui viennent et finalement repartent avec des pommes. Et le magasin a un succès monumental. Et pour finir, vu que je devais faire cette histoire hier quand Jean-Luc Fonck était là, je vais vous lire un extrait du livre de Jean-Luc Fonck qui parle des pommes. Attention, c'est très profond. J'ai super bien dormi. Je n'ai pas fait le moindre cauchemar. Ça fait du bien de temps en temps. Je devrais peut-être manger une tarte aux pommes tous les soirs avant de m'endormir. Si ça tombe, c'est ça qui m'a fait passer une aussi bonne nuit. Jean-Luc Fonck. Et sinon, il dit aussi, tant qu'il y a de la vigne, il y a des poires. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Jean-Luc Fonck, qui était notre invité hier, bien entendu. Alors, deux histoires, Windows 95 ou Apple Store. On va tourner autour de la table. Raoul Reyes, première ou seconde? Ma pomme. La seconde, ouais, on va demander. La seconde pour Paul Mosseret. Allez, la première. La première pour Michael Elbaz, Corentin Candy. La seconde. La seconde, roulement de tambour. L'histoire vraie du jour, première ou seconde, Vincent Flibustier? Eh oui, prenez les gens pour des pommes, des poires et vous gagnerez votre vie. Effectivement, un magasin qui vend des pommes et souvent bio en plus gagne plein d'argent grâce à ses ordures d'Apple. Et génial. Ça, c'est bien. Eh ben ouais. Voilà, manger 7 fruits et légumes par jour. Manger des pommes, disait ouais. Chirac. Ou manger des apples. Imaginez, le mec qui comprend pas. Moi, j'ai mangé 5 téléphones. Parce que j'avais faim. Vous appelleriez pas chez Apple pour leur dire que vous avez pété votre gars. Écoutez, chiche, je vais faire avant la fin de la semaine. D'ici là, restez presque sérieux, on s'informe à 17h et comme promis, on s'informe. On continuera à détourner l'actualité avec ce fameux détournement tiens, de 500 000 euros. On en parle juste après ceci. À tout de suite. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Comea Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalle pancetta formaggio. Des nouveautés signées Comea Casa. Apportez un peu de chaleur. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a ? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi l'Eye Cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients, parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Accessoires, aliments, les meilleurs conseils, je trouve tout pour mon chien Croquette chez... AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. La première et la trois présentes, Picasso, Matisse, Braque, Léger. Une expo exceptionnelle. 70 chefs-d'œuvre de l'art moderne réunis autour de Paul Rosenberg, Laure Marchand et Amy. Pris dans la tourmente du XXe siècle. 21 rue La Boétie. À voir et à vivre à la Boverie, Liège. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et Moustique. La première. Météo. Ce soir, le ciel va s'ennuager. La nuit sera beaucoup plus douce que la précédente, avec des températures comprises entre 8 et 16 degrés. Demain matin, temporairement de la grisaille, un ciel nuageux à couvert, un temps un petit peu tristounet. Éventuellement, un petit peu de pluie ou de bruine, mais rassurez-vous, cela ne va pas durer toute la journée. On devrait quand même retrouver des embellies l'après-midi à partir du littoral. Ceci étant dit, eh bien, les nuages resteront plus nombreux sur les hauteurs. Les températures sont agréables pour la saison, comprises entre 18 et 22 degrés. Le temps est un petit peu venteux. Un vent qui va encore se renforcer jeudi, un ciel nuageux jeudi à la mer, ailleurs, de belles éclaircies et des températures qui oscillent entre 18 et 24 degrés. À partir de vendredi, nous retrouverons une météo plus automnale, plus fraîche, incertaine, avec davantage de nuages et surtout un risque de précipitation. Bonne fin de journée. Aussi résistante au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Les prix de l'alcool et des spiritueux ont beaucoup augmenté ces trois dernières années, mais les accises rapportent beaucoup moins qu'escompté dans les caisses de l'État, de l'argent en moins pour l'État, mais aussi pour les grossistes. Les Belges préfèrent faire leurs courses en France ou au Luxembourg. Cela ne fait plus aucun doute, le régime syrien a lancé un assaut terrestre contre la partie d'Alep sous contrôle rebelle. Dans le même temps, l'aviation russe pilonne ces mêmes quartiers avec une violence jamais utilisée depuis le début de son intervention militaire il y a un an. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation, on retrouve Anne-Michel Vlouberg. Avec toujours les suites de l'accident sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur d'Herstal, défile à présent sur 3,5 km, vous perdez là une quinzaine de minutes en direction de Liège. Moins 16% dans les commerces, moins 50% dans l'Horeca. Les ventes d'alcool sont en nette baisse. Ce sont les hausses successives d'accises depuis 2013 qui en sont la cause, déplore la fédération Vinum et Spiritus. Des prix plus chers qui poussent les consommateurs de l'autre côté de la frontière. En France, par exemple, où les taxes sont nettement moins importantes. Le reportage de Thierry Van Gulik dans une grande enseigne à Valenciennes où les Belges sont de plus en plus nombreux. Jean-Pierre Flamand est responsable du rayon vin dans cette grande surface. Il les connaît bien, ses clients belges qui s'y connaissent et achètent régulièrement en grande quantité. On a eu une commande belge. Ils sont venus, qui ont pris que des grands crus, tous les caisses bois, 9000 euros. C'est quand même pas mal. Je pense qu'il y a au moins 30 à 40% de la clientèle ici qui est belge. Donc ils trouvent des produits qu'ils n'ont pas chez eux ou qui sont trop chers chez eux. Que chez eux, c'est surtaxé pour le choix. Donc ils trouvent des produits qu'ils n'ont pas chez eux. Aujourd'hui, ils profitent de la foire au vin, mais la plupart viennent régulièrement en France pour s'approvisionner. C'est beaucoup moins cher, oui. C'est beaucoup plus intéressant, oui. Franchement, il y a certainement plus de 10%, si pas plus, au niveau financier. Ouais. Ouais, ouais. L'effet d'une taxe que beaucoup jugent contre-productive. L'administration, d'ailleurs, le public le reconnaît. Ils ont fait fiasco avec la taxe additionnelle sur les vins en prévision de récupérer. Mais loin de là, hein, loin de là. La Fédération des vins et spiritueux ne dit pas autre chose. Au Grand-Duché de Luxembourg, les achats belges d'alcool ont augmenté de 40%, autant d'argent perdu pour le trésor belge. Les finances de l'État, justement, pour 2016 et 2017, le gouvernement fédéral doit trouver plus de 4 milliards d'euros pour maintenir son budget dans les clous. C'est le double de ce qui avait été estimé cet été. Un trou budgétaire dont les ministres ont à s'expliquer. Cet après-midi, ce sont les ministres fédérales du budget et fédérales des finances qui sont entendus en commission des finances de la Chambre. Le budget 2017 encore, mais celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'entité fédérée fête aujourd'hui ses 45 ans d'existence. Après les discours et les petits fours ce matin, ce soir c'est le plat de résistance. Le menu est simple et copieux, confectionner un budget, celui de 2017. Donc il doit être bouclé bien avant le 15 octobre. C'est la date butoir, Marie-Paul Genôme, à laquelle le gouvernement fédéral doit présenter à la Commission européenne les budgets de toutes les entités. Et l'exercice ne sera pas facile, comme le reconnaît le ministre-président Rudy De Motte. La situation est facile pour personne. Le fédéral a plusieurs milliards dans les lattes, pour dire ça en langage populaire. La Wallonie vient de montrer que l'exercice est difficile. La Flandre a même été obligée de masquer 500 millions d'euros pour le contournement d'Anvers qu'on n'inscrit pas dans le budget. Tout le monde a des difficultés, nous aussi. L'équation est difficile. Le gouvernement va tenter de réduire le déficit de l'an dernier tout en préservant des projets importants. André Flahault, ministre du Budget. Les besoins sont énormes et nous avons pour devoir de répondre à ces besoins. Et notamment le financement du pacte d'excellence. Il devrait y avoir un amorçage en quelque sorte, un signal qui sera donné pour effectivement faire en sorte que ce pacte d'excellence puisse démarrer dans les meilleures conditions. Autre gros enjeu que la création de nouvelles écoles ou de nouvelles places pour répondre au boom démographique. Marie-Martine Schins, ministre de l'Enseignement. Bien sûr, j'ai demandé également des moyens complémentaires pour les bâtiments scolaires. Une certitude, il n'y aura pas de retour à l'équilibre en 2018 comme le prévoit la trajectoire budgétaire Rudy De Motte. Nous ne pouvons pas tenir dans l'échéance. Si on suivait la trajectoire, on aurait dû consentir à des efforts majeurs. Ce n'est ni le lieu ni le moment. On ne peut pas avoir une lecture purement comptable des choses. C'est quand on a des difficultés qu'il faut justement pouvoir investir. Claude de Spiegeler est exclu du PS, une exclusion temporaire de 3 ans. L'ex-échevin de Charleroi échappe donc à une exclusion définitive. La commission de vigilance du PS s'est appuyée pour sa décision sur plusieurs condamnations prononcées à l'encontre de l'ancien échevin de la ville de Charleroi. Il s'agit notamment du procès de la Chaudière de Carcassonne et de la Carolorégienne. La commission de vigilance ajoute que Claude de Spiegeler est le seul parmi les personnes condamnées dans les affaires à s'être enrichi personnellement. Après 4 jours d'intenses bombardements, l'armée syrienne a lancé aujourd'hui un assaut terrestre sur l'est d'Alep. Blindés et artillerie pillonnent depuis ce matin plusieurs quartiers tenus par les rebelles. Et l'armée syrienne parle d'avancées très importantes sur le terrain. Alors Waoub Fayoumi, est-ce que c'est une sorte d'assaut final de l'armée syrienne pour déloger les rebelles de cette partie de la ville ? Eh bien en fait, c'est impossible de savoir exactement où en sont les forces du régime pour le moment. Mais ce qu'on sait, c'est que cette offensive est d'une ampleur rarement vue dans les combats pour le contrôle du quartier est de la ville. Des unités terrestres de l'armée syrienne ont lancé l'assaut dans plusieurs quartiers autour du centre historique. Et pour donner une idée de l'enjeu militaire, ces unités commandées par une force de soldats d'élite sont appelées les Tigres. Plusieurs milices loyalistes participent à l'assaut. Parmi elles, il y aurait même des combattants irakiens. Waoub, est-ce que les rebelles sont donc affaiblis par cette offensive ? Eh bien, inévitablement oui, car c'est depuis jeudi que l'offensive a commencé. Des bombardements aériens très lourds avaient ciblé ces quartiers de l'est de la ville. Aujourd'hui, l'assaut terrestre est d'une intensité sans précédent et c'est un haut responsable des rebelles qui l'a lui-même déclaré. Mais dans le même temps, les rebelles affirment que leurs positions ne sont tombées que très brièvement aux mains de l'armée et qu'ils ont pu reprendre les quartiers conquis. Pendant ce temps, la population est soumise depuis 5 jours à une violence sans précédent. Dans les combats autour d'Alep et de ses quartiers est, 400 personnes seraient mortes depuis le lancement de l'assaut jeudi passé par le régime. Et les forces du régime appuyées par les avions russes. Ils frappent aussi depuis jeudi soir la partie rebelle à Alep avec une violence qu'ils n'avaient jamais utilisée depuis le début de l'intervention militaire il y a 1 an. La Russie utilise toute sa puissance de feu pour aider le régime syrien à reconquérir Alep. Car, disent les experts, elle a désormais opté pour une victoire militaire pour faire pression sur les États-Unis et sur les rebelles. Shimon Peres est entre la vie et la mort, c'est ce qu'a fait savoir son entourage. L'état de santé de l'ancien président et premier ministre israélien s'est gravement détérioré. L'état de santé du prix Nobel de la paix hospitalisé pour un AVC est très très difficile, dit donc son entourage. En sport et en football, 2e match en Ligue des Champions pour Bruges. Ce soir, les Brugeois sous pression. Après une sévère défaite 0-3 contre Leicester, Bruges se déplace à Copenhague, une équipe danoise solide. Bruges ne part donc pas favori. Copenhague-Bruges, coup d'envoi à 20h45 à suivre en direct en radio et sur nos sites internet. Et pour l'heure, il est 17h08. Toute l'info est sur rtbf.be. Et sur la première, c'est la suite bien sûr de C'est presque sérieux, Walid. Effectivement, Diane, retourne dans l'information tout à l'heure à 17h30. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Votre petit sas de décompression tous les jours durant une heure et demie où nous amusons de l'actualité, toute l'actualité, avec du rire, de la bonne humeur, de la légèreté, de l'impertinence aussi au menu et au programme et autour de cette table de beaux esprits qui relatent l'actualité de ce 27 septembre. Où que vous soyez, merci à vous d'être presque sérieux comme le sont nos chroniqueurs du jour avec autour de la table Corentin Candy, bonjour. C'est ma femme, mon petit sas de décompression. Bonjour. Voilà, salut au passage. Ah là là. Il y a 20 Vincent Flibustier, bonjour Vincent. Coucou. Raoul Reyers est avec nous également. Walid. Il y a Mickaël Albas. Bonjour Walid. Paul Mosseret est avec nous également. Bonjour Walid. On parlera de quoi avec vous, Paul Mosseret, dans la suite? Eh bien, on va parler de nudisme et de migrants. Ça a l'air de ne pas aller ensemble, mais en fait, c'est tout à fait cohérent. C'est une info, effectivement, que nous traiterons dans un instant avec vous. Bon, en attendant, une autre info. Elle fait parler d'elle, cette info. On parle de détournement de 500 000 euros au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. C'est tout de suite. C'est presque sérieux. La première. Une presque star à venir également dans un instant et nous appellerons dans quelques minutes bien le Parti des Républicains pour leur proposer un petit don. En attendant, détournement de 500 000 euros au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Les détournements de fonds découverts au printemps dernier au sein du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont bien plus importants que ce qu'on croyait jusqu'ici. Opérés donc par un comptable de cette structure qui dépend donc de la Direction Générale Culture du ministère de la Fédération. Des vols réalisés sur les années 2014 et 2015 étaient jusqu'ici estimés à 107 000 euros. Mais c'est beaucoup plus. J'arrondis mes fins de mois, monsieur. Le Wallon est malin. J'arrondis mes fins de mois. Mais selon les progrès de l'enquête, le préjudice se chiffre en réalité à près de 500 000 euros. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Budget de la Fédération, André Flahaut, en réponse à une question de Jean-Luc Cruc sur le sujet en commission du Parlement. Pour ces montants, le comptable véreux a usé d'un modus operandi un peu différent puisqu'il faisait transiter l'argent du centre du cinéma et de l'audiovisuel préalablement par un autre compte bancaire de la Fédération. C'est ça, un compte qui s'est repassé sur le sien, mais après, pour plus de facilité, il faisait directement sur son compte. Ouais, pour gagner du temps, effectivement. Et donc, il avait versé l'argent directement du compte vers son compte personnel, c'est ce qu'a expliqué le ministre. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, comme l'ont fait nos auditeurs? On va demander à Raoul Reyers. La comptabilité de l'audiovisuel wallon a aussi fait l'exode sur un tonneau. Oui. Ah oui, c'est pas mal, c'est René Tonneau. On s'en souvient. Le précurseur, celui qui a ouvert la voie. Il y a beaucoup de comptables ont son portrait comme ça affiché en fond d'écran. C'est ça, ouais, bah oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier, comptable wallon? Non, ça ne désintéresse pas. Je vous imaginez le truc. C'est un peu just. On va demander à Paul Mosseret le détournement, ce fameux, et c'est pas un seul, c'est des détournements de 500 000 euros au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Alors, Boule et Bill 2, Les Profs 3 et le prochain Danny Boule, voilà les films qu'on a évités grâce au détournement de 500 000 euros. Ouais, mais là, c'est radin, le film. Production franco-belge. On est loin du compte. On va demander à Mickaël Albas. André Fléau l'annonce. Détournement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel, la police recherche activement Michel Rocard. Ah, c'est pas mal. On va demander à Vincent Flibustier. Le grand détournement, la classe wallonne, la moitié du budget de la culture a disparu. Ouais. Et enfin, on va demander à Corentin Candice cette histoire de détournement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel. Vous retitreriez cette information comment? Eh bien, Bruno Daillé, écroué, il n'imaginait pas être capable de se farcir un nouveau futur film des frères Dardenne. J'ai un peu copié sur Paul. Enfin, j'ai pas copié, parce que je savais pas. Bruno Daillé. C'est qui Bruno Daillé? Ok, attends, je vais trouver. Quelqu'un de l'industrie corporate. Sur la page Facebook, on dit. C'est Hugues Daillé. Flahaut cachait le magot dans son double menton. C'est ce qu'on nous dit sur. Jean-Paul Flahaut. Bisous, Hugues. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? L'argent part en grand écran de fumée. C'est ce qu'on nous dit aussi sur la page Facebook. Et d'autres, ça mérite un sac. Et d'autres titres sur la page Facebook. Bah oui, n'hésitez pas à le faire. Vous retitrez cette information. En attendant, autre info autour de Sarkozy. Un livre, Révélation sur les travers de Nicolas Sarkozy, son penchant à être sympa méchant, avec les gens de droite, d'extrême droite même. Hein, et on en parle d'ailleurs tout de suite, puisqu'on va appeler, et on l'a appelé cet après-midi, le Parti des Républicains pour leur proposer un don. C'est parti. pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Bonjour et bienvenue chez les Républicains. Si vous souhaitez faire un don... Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Non, je suis madame. Ah, autant pour moi, madame. Je vous appelle pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Ah. Oui, sur les valeurs du Front National, qui sont celles de tous les Français. Moi, j'adore. Bah, si, vous savez, maintenant, Nicolas Sarkozy est un quartier général, qui est indépendant de... Les Républicains, maintenant, on se mêle pas trop dans les affaires des candidats. Je pense que si Nicolas Sarkozy leur réaccueille et entend tout ça, ils seront contents. Ah ben ouais. Vous avez d'autres demandes? Oui. Pensez que c'est possible de m'appeler un taxi? Moi? Oui. Vous m'avez demandé une demande. Non, c'est pas ce genre de demande. Ici, c'est les Républicains, donc... Si vous voulez adhérer, faire le service des adhésions. Voilà. Pour faire un don, par exemple, je peux donner quelque chose? Par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire, ouais. Je peux donner un rein, je peux donner mon cœur. Je peux donner mon cœur, moi. Vous pouvez faire un don. Oui, moi j'ai deux reins, je peux en donner un. C'est possible? C'est possible, attendez, est-ce que déjà vous êtes adhérent? Je suis prêt à donner un rein et mon cerveau pour la France. Ah, vous êtes encore... D'accord, un rein, je ne sais pas, est-ce qu'il a besoin ou pas, mais... Un cerveau peut-être bien. Il a besoin de l'argent, par contre. Il a besoin d'argent. Je pense que, écoutez, ici, ce n'est pas le QG de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez appeler son QG et puis il vous guidera. Il verra s'il a besoin d'un rein ou pas. Pardon ? Ok. Et c'est bien gentil, madame. Je vous en prie. Au revoir. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Alors, ce qui est fabuleux, Walid, c'est qu'elle balance tout de suite au lieu de rester dans la caisse des Républicains. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. S'il l'a dit, elle c'est... Il faut aller voir tout de suite Nicolas. Et on va l'appeler avant la fin de la semaine. Ah, je vais appeler Nicolas Sarkozy. Pourquoi il y a d'autres candidats? Écoutez, il y a un paquet, mais en gros... Et il sera content de m'avoir au téléphone. Oui. Vous allez l'imiter? Content d'avoir un rein. Mais je vais essayer. Ah, il va dire « Oh, Enrico !» Je vais essayer. En attendant, on va accueillir une presque star, vous le savez. Nous mettons en lumière des gens qui vont parler d'eux dans l'actualité et dans la presse de ce 27 septembre. Il y a Bernadette qui est oh avec non. nous. Oh non. Bonjour Bernadette. Bernadette. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ah ben écoutez, ravi de vous avoir avec nous Bernadette. On parle vous de vous dans la presse. De l'hôpital. Mais pour quelle raison? Alors, mais c'est pas Bernadette Chirac. Ah non, mais Bernadette nous vient de Mons. Mais pour quelle raison on parle de Bernadette dans la presse? À vous de le déterminer. Je ne réponds à vos questions que par oui ou par non. C'est parti les amis, on s'intéresse à vous dans un instant Bernadette. Est-ce alors qu'elle dites-nous. Est de la famille de Georges-Louis Boucher? Non, pas du tout. Non. Elle fabrique des poupées Elio Liroupo? Non. Est-ce qu'elle a Faut subi... pas déconner quand même. Est-ce qu'elle a subi du racisme anti-vieux? Non. Elle a un rapport avec Mons 2015? Non plus. Ça existe encore ce truc. Elle a un rapport avec Elio Liroupo? Non. C'était de la Montoise qui n'aime pas le doudou. La Montoise qui n'aime pas le doudou? Non. Elle répare les d'Arne 15, là. Vous voyez les modules d'Arne 15 quand ils s'effondrent dans la rue. Elle les répare. Ouais. Non, ce n'est pas elle. Non. Elle a trouvé de l'eau sur Jupiter. Ce n'est pas elle. Ça va faire rire en tout cas. Oui, bah. Ah, elle est la première cliente de l'IKEA de Mons. La première cliente de l'IKEA de Mons, vous me dites. Ça, c'est Elio Liroupo. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'elle est artiste? Une artiste, non, mais c'est un. Allez, je vous aide, c'est en lien direct avec tout le monde en fait. C'est une offre de service. Ah, d'accord. C'est du ménage? Non, oui, pourquoi pas? Ah, elle se donne pour tout le monde. Elle offre ses services. Attention. Cette émission devient n'importe quoi. Alors attention, non, ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je veux. Mais on se rapproche. Mais quoi, les échanges de services. Raoul Reyers. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Elle vient nettoyer chez vous. Le compte Facebook de Théo Franken. Du troc. Vous lui réparez sa conduite d'eau. C'est effectivement ça, Raoul Reyers. Effectivement, ça s'appelle la Corderie. Un projet solidaire qui vise donc à instaurer un système d'échange de services entre personnes. Et vous allez nous parler d'ailleurs de la Corderie qui ouvre ses portes. L'objectif, c'est lequel justement de la Corderie? Ben, c'est d'aider les gens qui sont en situation financière précaire, défavorisée, isolée. C'est pour les aider, pour avancer. Donc, il n'y a pas question d'argent, en fait. On fait les échanges, je te donne une heure et tu me donnes une heure. D'accord, donc peu importe ce que les gens peuvent gagner dans l'absolu, puisque vous parlez de pauvreté, si quelqu'un gagne bien sa vie, il peut bien entendu offrir également une heure de service contre une autre heure de service, ou pas du tout. Oui, c'est quand même pour toute la classe sociale. Oui, c'est ça, donc tout le monde est concerné. Voilà, c'est pour tout le monde est concerné. C'est un vrai réseau d'échanges solidaires entre citoyens, un concept qui est déjà bien implanté en France. Il fait aujourd'hui donc son apparition en Belgique et plus précisément à Mons, donc sous la forme de cette ASBL dans un premier temps. Vous avez beaucoup de membres. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec ce système? Comment est-ce que ça se passe? Si je veux offrir une heure à quelqu'un, que dois-je faire? Bon, au départ, vous devez venir vous inscrire à la corderie. D'accord. Voilà, donc vous devenez automatiquement accordeur. Accordeur, d'accord. Voilà, accordeur ou accordeur. Donc, une casquette. Donc, voilà, en fait, vous avez le droit d'aller dans un espace-temps. Donc, et à ce moment-là, vous voyez les noms de tous les accordeurs et vous pouvez choisir la personne qui peut vous rendre le service et vice-versa, en fait. D'accord. Bon, si les personnes n'ont pas, parce que ça arrive que des personnes n'ont pas l'ordinateur ou n'importe, nous avons à disposition un ordinateur et nous sommes là pour tout les aider et les guider. Ah, c'est pas mal, Ils viennent à la corderie et nous faisons toutes les démarches pour eux. Bon, les personnes qui ont un peu peur, en fait, de recevoir des gens, parce que, bon, par ordinateur, on ne sait pas toujours qui on peut recevoir chez soi. Ah, bien entendu. Eh bien, voilà, donc vous pouvez venir à la corderie et nous prenons en charge et nous faisons la rencontre entre les accordeurs pour qu'ils puissent se mettre à l'aise, pour savoir, voilà, bon, je viens chez toi et voilà. Donc, d'accord. Alors, juste une dernière question. Accorderie, pourquoi ce nom? Mais c'est le nom, en fait, parce que le concept vient du Québec et c'est l'accordeur, ça veut dire c'est un accord d'échange. Ah ok, d'accord. Parce que bon, il y a des gens, bon, plusieurs fois, me demandent, oh, on va vous allez nous donner des leçons d'accordéon. Ah oui, ou accorder vos violons. Accorder les violons, etc. Voilà, mais ce n'est pas accorder ça. Accorder nos violons. Voilà. On peut accorder des violons en rendant des services. Effectivement. Ah oui. Donc un réseau d'échange solidaire entre citoyens, on mettra toutes les informations sur la page Facebook de l'émission de C'est Presque Sérieux, sur le site de la première.be. Bernadette Poroli, donc présidente de la première accorderie de Belgique. On était ravis de vous avoir avec nous, ma chère Bernadette. Restez aussi souriante que vous l'êtes, parce que voilà, vous respirez le bonheur et la joie de vivre. Moi, ça me fait plaisir. Oui, et moi, ça fait plaisir de rendre plaisir aux gens. Ah ben voilà, un échange de bons procédés. Alors, vous nous offrez une heure et on vous offre une heure. Nous, on vous offre une heure et demie. Ah oui, on vous offre une heure et demie. Nous, on vous offre une heure et demie. Merci en tout cas. Vous nous offrez quoi, vous? Restez. Je vous souhaite une bonne soirée, alors. Merci à vous, Bernadette. Et dans la suite, on continue à s'intéresser à l'actualité, vue et corrigée par notre cher Paul Mosseret. On parle tout de suite de naturistes et de migrants. Un mix complètement dans l'actualité. Oui, on est tombé sur cet article et on vous en parle tout de suite. Inutile de faire venir une population qui ne sait où elle est. On ne passe plus. On ne passera plus. Vous ne passerez pas. C'est presque sérieux sur la première. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, figurez-vous qu'en Chine, quand vous offrez un cadeau, la tradition veut qu'il soit mis de côté sans être ouvert. Oui, même un bon ballotin de praline, ils arrivent à se maîtriser et à pas l'ouvrir. Hein. Ils sont forts, les Chinois. Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. La première, la 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films touchants, forts et audacieux. Du 30 septembre au 6 octobre, faites-le plein d'émotions au FIF. Info FIF.be. Avec TV5, l'avenir, le soir et la loterie nationale. La première. Mobile Info. Il y a 17h presque 24 minutes, un point sur vos conditions de circulation. Anne-Michel Vlouberg. Eh bien, une chaussée dégagée pour commencer sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Liège, hauteur d'Herstal. 15 minutes de file, encore le temps que ça se résorbe en direction de Liège. La 54 Charleroi-Nivelles est toujours fermée suite à l'accident qui s'est produit à hauteur de Buzet. Plus de file à cet endroit en direction de Nivelles et toujours des déviations mises en place à cet endroit. À Bruxelles, ralentissement dans quelques tunnels de manière habituelle. Et puis du tunnel Ries-Montgomery au tunnel Georges-Henri en direction du Bois de la Cambre et dans le sens inverse vers Mézières. Et puis on a un accrochage sur le ring de Bruxelles entre Wezembeek et Tervuren en circulation intérieure. La bande droite est neutralisée vers Waterloo. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. L'actualité, toute l'actualité jusqu'à 17h30. Rendez-vous avec bien l'information sérieuse. Arnaud Reussen d'ici quelques minutes. Mais une question que nous nous posons, que vous vous êtes certainement posé en lisant la presse du jour. Où vont les naturistes quand les plages françaises sont pleines de migrants? Eh bien, le gouvernement a une solution, des camps nudistes. Où ça? Mais en ville. Bien sûr, et ouais, encore une fois, la réalité a dépassé la fiction. Et franchement, ces derniers jours, c'était un peu un festival. Hein, le Dalai Lama qui s'inquiète pour les enfants de Brangelina, The Weaver en larmes à la VRT, ce qui prouverait que contrairement aux idées reçues, il aurait un cœur. Et Metallica chante avec Rihanna en l'honneur des migrants. Enfin, c'est presque trois titres de Nord Press, c'est assez effrayant. Mais heureusement, une actualité m'a laissé entrevoir un futur plus démocratique, plus rayonnant, plus juste. La France va ouvrir un camp de nudistes en plein Paris. Ça, c'est la liberté, ça. Hein. Marianne, elle doit être fière. On ne peut que saluer la démarche en faveur de ces personnes en situation d'extrême vulnérabilité, comme les appelle le président François Hollande dans son allocution. Évidemment, quoi de plus vulnérable qu'un homme tout nu? Dès lors, nos objectifs sont clairs. Garantir la sécurité des personnes en situation d'extrême vulnérabilité. Maintenir l'ordre public et assurer aux personnes en situation d'extrême vulnérabilité des conditions dignes, parce que nous sommes la France. Vous êtes moins vulnérable si vous êtes piqué par l'araignée de Raoul. C'est ça. Parce que nous sommes la France, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout qu'il le sort un peu à toutes les sauces. Hein. Enfin, cela dit, c'est un peu comme nous quand on se pointe à des meetings internationaux sans accords fédéraux et qu'on dit oui, non, mais c'est parce qu'on est la Belgique, ça passe tout à tous les coups. Enfin, pour revenir à nos nudistes, hein, cette actualité, je l'ai vue illustrée par une image qui m'a profondément ému, hein. Celle d'un homme bronzé, seul sur une plage déserte, le regard perdu dans l'horizon. Au loin, face à lui, les côtes britanniques. Derrière lui, la France, le pays des libertés et des valeurs républicaines que sont la dignité, la solidarité, la protection. Ce regard, c'est celui d'un homme seul, stigmatisé. Son visage est marqué par la fatigue d'une vie harassante à devoir se justifier, à devoir faire valoir son rang d'être humain et non d'animal. Oui, ce regard, c'est celui d'un naturiste parisien qui, chaque année, rejoint les côtes du Nord-Pas-de-Calais en traversant la banlieue dans des conditions déplorables. Non seulement sa différence lui fait courir un danger considérable lorsqu'il aborde sans caleçon les cités de banlieue, hein, les fameuses no-go zones, mais en plus, vous ne pouvez pas imaginer la terrible sensation du simili-cuir d'une Renault Mégane sur un fessier transpirant. Non, mais on n'en parle pas beaucoup, mais les nudistes, c'est un vrai problème de société. Hein. Déjà, croiser un nudiste, ça fout mal à l'aise. Hein. Vous avez beau essayer de faire semblant de rien, de pas regarder, ben, c'est impossible de pas la voir, sa différence. Hein. On a beau se dire qu'à quelques détails près, on est fait pareil, enfin, on a beau lever la tête, impossible de décrocher le regard. Enfin, moi, j'ai rien contre eux. Hein. J'ai d'ailleurs une amie avec qui j'ai déjà pratiqué à l'une ou l'autre occasion, mais c'était pas du nudisme de plage, c'était du nudisme de rivière, hein, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Attention aux amalgames. La différence étant évidemment que le nudiste de rivière pratique une laïcité plus modérée, puisque contrairement à son cousin de la plage, il n'a rien contre le burkini et ne milite pas contre le mariage pour tous. Non, non, les nudistes, c'est un sujet épineux. Hein. Bon, je peux comprendre le ras-le-bol des populations des côtes nordiques qui sont littéralement envahies de biroutes en tout genre. Hein. Imaginez seulement que vous risquez à tout moment de vous retrouver nez à nez avec un nudiste. Hein. Enfin, nez à nez, façon de parler. Situation embarrassante. Alors oui, il y a une solution... quelle assimilation. Alors vous lui proposez quelque chose pour se couvrir, mais en même temps, vous ne voulez pas le vexer. Et puis au final, même une fois couvert, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous rappeler qu'il est nu sous ses vêtements, ce qui peut mettre dans un état de malaise permanent. Et alors ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, puisque ça te crispe une population. Alors ajoute à ça le fait qu'il reste toujours en groupe dans des endroits clos, comme s'il complotait quelque chose, ça te crée des fachos à tous les coups. Alors la solution du gouvernement français, comme souvent d'ailleurs, c'est de les renvoyer chez eux, à Paris. Alors, quand François Hollande parle d'offrir des conditions de vie décentes parce que nous sommes la France, je me pose la question de quelle France il parle, la France en état d'urgence ou la France libre? La France laïque ou tolérante, sécuritaire ou révolutionnaire? Enfin, moi, ce que je vois de votre France, monsieur le Président, c'est une France avec des plages libres, mais sans burkini. Une France décomplexée, sauf face à un nudiste black. Une France de tolérance, mais pas trop. Une France qui ne sait plus trop discerner sa gauche et sa droite. Une France qui ferme des camps de migrants à la côte et ouvre des camps de nudistes à la capitale. Alors, si vous parlez de la France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, pourquoi vous dressez des murs plutôt que de les abattre? Ah bah oui, mais c'est Nicolas. Moi je propose comme Bernadette au nudiste, une heure contre une heure. Ah bah, pourquoi pas. Merci Vincent Flibussier, merci Corentin Candy, beaucoup, à bientôt. Michael Albas, merci à vous. Paul Mosseret, Raoul Reyers, merci à vous d'avoir été des nôtres en ce 27 septembre. Nous serons de retour demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. D'ici là, portez-vous bien. Arnaud Reissen vous accompagne avec l'info au sérieux, c'est tout de suite et c'est soir première. La première présente, la Foire du Verre de Lannes. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au Centre Sportif de Lannes. Info, foireduverre.eu. La première présente, les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la